كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. On est toujours dans la série de cours d'explication du livre de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala qui est Sifat Salah. Sifat Salah al-Nabi alayhi salatu wassalam ka'annaka taraha min at-takbiri ila at-taslimi. Explication faite par Cheikh Al-Fadil Mohamed bin Omar Bezmoul hafidahullah ta'ala. On est arrivé donc au chapitre qala al-musannif rahimahullah جواز الاقتصار على الفاتحة وكان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع فيصلي بأصحابه فرجع ذات ليلة فصلى بهم وصلى فتى من قومه من بني سلمة يقال له سليم. On a pas fait chapitre, hein? فما طال على الفتى انصرف فصلى في ناحية المسجد وخرج وأخذ بخطام بعيره وانطلق فلما صلى معاذ ذكر ذلك له أو ذكر ذلك له فقال إن هذا به لنفاق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع وقال الفتى وأنا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى فقال الفتى يا رسول الله يطيل المكث عندك ثم يرجع فيطيل علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ وقال للفتى كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت قال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله. On va voir que c'est ça le شاهد من الحديث. أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ومعاذ حول هاتين أو نحو ذا. قال فقال الفتى ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن العدو قد أتوا. قال فقدموا فاستشهد الفتى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ ما فعل خصمي وخصمك؟ قال يا رسول الله صدق الله وكذبت استشهد. Traduit déjà cette partie, le matn. Donc c'est un nouveau chapitre comme on a dit qui sous le titre il est autorisé ou l'autorisation de ne réciter que la Fatiha. D'accord ? Si vous voulez littéralement de se limiter à la Fatiha, l'iqtisar. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est Cheikh Al-Albani rahimahullah, il dit Mu'adh, radiallahu anhu arzah, accomplissait la prière d'Al-Isha. Vous connaissez Mu'adh? Vous savez c'est qui? Mu'adh ibn Jabal, hein? Vous connaissez son histoire? Cheikh Falah Ismail, chaque fois qu'il raconte son histoire, il pleure. Quand Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu arzah, hein, il avait beaucoup de dettes. Alors quand vous allez dire, mais, akhi, des dettes dans la religion, c'est pas bien d'avoir des dettes. Comment ça se fait que Mu'adh avait des dettes? Mais c'est parce que nous, on n'est pas justement pas comme les gens comme Mu'adh. On n'est pas comme les Sahaba, radiallahu anhum arzahum. Mu'adh ibn Jabal, pourquoi il avait des dettes? Parce que les gens, quand ils venaient de lui demander de l'aide, ils disaient jamais non. Ça, c'était parmi les hautes caractéristiques dans son comportement, les hauts attributs de Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhum arzah. Il disait jamais non. Alors qu'est-ce qu'il faisait, radiallahu anhum arzah? Il empruntait pour donner aux gens. Il empruntait à tel point qu'un jour, ses créanciers, on appelle ça gharim en arabe, ses créanciers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus se plaindre au prophète, alayhi salatu wassalam. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il leur a donné raison, il a fait quoi? Ils ont vendu, hein? Mu'adh, si je me souviens bien, il a dû vendre ses, des choses à lui, ses affaires, etc. Mais c'était toujours pas suffisant pour rembourser ses dettes. Alors, le prophète, il l'a envoyé, hein, il l'a donné une charge, une responsabilité dans un autre pays. C'est connu, ça, que Mouad a été envoyé. Et du salaire de Mouad était retiré ce qu'il fallait pour rembourser les dettes qu'il avait vis-à-vis de ses créanciers. Et pour Mouad, regardez le prophète, il aimait beaucoup Mouad, le prophète. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Mouad, il savait qu'il allait quitter le prophète. Il était très triste. Et le prophète, lorsqu'il l'accompagnait quand il partait, il était sur sa monture, Mouad ibn Jabal. Et le prophète, il tenait la bride. Hein? Et pour apaiser son cœur, il a dit, « Inni uhibbuka ya Mouad. » Regardez, subhanallah, tu quittes le prophète, la meilleure des gens. Il lui a dit, « La'allaka la talqani ba'da dhalika. » Peut-être que tu me trouveras, plus tu me verras. Et c'est ce qui est arrivé. Mouad, il n'a plus jamais revu le prophète. À tel point que quand il est revenu à Médine, il ne pouvait pas rester à Médine. Il faut connaître l'histoire des sahaba, il y a beaucoup d'enseignements là-dedans. Regardez la haute caractéristique, regardez le hub. Le prophète Azam qui t'a dit, hein, imaginez-vous qui t'a dit, Inni uhibbuka. Hein? Quelle peine il a dû avoir Mouad ibn Jabal lorsqu'il a quitté le prophète alayhi salatu wassalam. Comme l'a dit Cheikh Fal-Asma, il a dit, hein, liatma inna qalbo. Pour qu'il ne sente pas que hein, le prophète Azam l'a envoyé ou qu'il il a dit, je t'aime Mouad. Il accomplissait Mouad la prière de l'Isha, la dernière prière avec le prophète alayhi salatu wassalam, puis il revenait chez lui et dirigeait la même prière avec ses compagnons. Une fois, il revint et dirigea la prière et il y avait un jeune homme de sa tribu, de Bani Salama, nommé moi j'ai Souleyman, alors que dans le matin, qu'est-ce qu'on a dit? Salim, ça, hein? De Bani Salama. Salim, qui trouva la prière trop longue, il partit et pria dans un coin de la mosquée. Par la suite, il sortit, prit les rênes de sa monture et s'en alla. Quand Mouad finit de prier, on lui rapporta l'incident. Il dit alors, celui-là a certainement de l'hypocrisie. Je vais certes informer le prophète d'Allah alayhi salatu wassalam, de ce qu'il a fait. Le jeune homme dit alors, moi aussi, la ukhbiranna. Vous connaissez cette... Hein? Il y a combien de tawkid ici dans la langue arabe? Deux. Ma hiya adawa tawkid huna? Lam tawkid? Hein? Wanun? Al-thaqila? Hein? Wa hiya min adawa kadalika ma'ani l'asalib tawkid l'ma'roufa عند l'arabe. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a deux manières ici de montrer une insistance. La ukhbiranna. Certes, je vais certainement. Hein, c'est un tawkid. D'accord? C'est tawkid, c'est le masdar de quel verbe? T'es sûr, Bran? T'es sûr, c'est pas akkada yu'akkidu tawkidan? Akkada yu'akkidu tawkidan. Vous savez pourquoi on doit toujours tawkidan? Pourquoi j'ai pas dit Tawkidun? Vas-y. Exactement, le Mazdar est toujours givé. Il est toujours donné comme ça. Akala ya'kulu aklan. Daraba yadribu darban. Donc Tawkidan. C'est Tawkid. Donc c'est le Mazdar du verbe akada yu'akkidu Tawkidan. Ok? Donc la ukhbiranna, c'est important de prendre l'arabe comme ça. Quand vous voyez ça dans la langue arabe, la ukhbiranna, hein? Il y a le Coran. Qui s'est donné un verset du Coran? La tadkhulanna al-masjid al-haram. Encore un autre verset. La tadkhulanna ou la tadkhulunna? Hein? Naam. Naam. Un autre. La fin du Coran. La yukhrijanna. La tarkabunna. Inch'Allah, très bien. Tout ça, vous voyez, c'est la même chose ici. C'est un tawkid. Donc là, on a dit quoi? La ukhbiranna. Je vais certes informer. C'est pour ça que j'ai traduit ça par certes. Je vais certes informer hein, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de ce qu'il a fait. Le jeune homme dit alors, moi aussi je vais rapporter au prophète ce qu'a dit Mouad. Ils partirent tôt le matin. Comment on a traduit ça par partir tôt le matin? Comment ça se fait quand? Hein? Le fi'l qui est utilisé ici, c'est le fi'l ghada yaghdu masdar ghudwan. Hein? Ou ghudwatan, ou kilahuma. Ala kulli hal, ghada yaghdu ghudwan. On a dit quoi ici? Qu'il est parti tôt le matin vers le voir le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et Mouad lui rapporta, donc c'est les deux qui partirent, Radaou, hein, tôt le matin vers le prophète d'Allah, et Mouad lui rapporta l'agissement du jeune homme. Le jeune homme répliqua, au prophète d'Allah, au messager d'Allah, il reste longtemps en ta compagnie pour accomplir la prière. Comme salam. Puis il revient et nous prolonge la prière. C'est-à-dire que Mouad, qu'est-ce qu'il fait? Il prie avec le prophète, puis il retourne vers son qawm. Et qu'est-ce qu'il fait? Il guide la prière. Alors que lui, il a déjà pris l'Aïcha. Qu'est-ce que les ulémas ont pris de ça? Vas-y, tu voulais répondre? Vas-y, les frères. Hein? Vas-y, plus loin. Ici. En l'occurrence, ici. Vas-y, hein. C'est ça. Lui, il a déjà prié sa farida. Donc, on peut prier avec une yad nafila, tatawwa, alors que les gens derrière nous prient avec une yad du fard. D'accord ? Et en passant, qu'on dit ça, c'est pas le sujet du cours, mais à la kulihal. Il reste longtemps en ta compagnie pour accomplir la prière, puis il revient et nous prolonge la prière. Donc, vous voyez, là, il y a une plainte déjà qui est faite au prophète, alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, cherches-tu à semer la discorde en Mouad? Afatanun anta ya Mouad? Et c'est un hadith très connu chez le Mashir. Et il dit au jeune homme, comment procèdes-tu au fils de mon frère lorsque tu pries? Yabna Ari. Il dit, je lis la sourate Al-Fatiha et je demande à Allah qu'il m'accorde le paradis et je me réfugie auprès de lui contre l'enfer. D'accord? Je ne comprends pas tes murmures d'andana. Cheikh Al-Albani, il a une belle petite histoire, on pourra la raconter une fois, Inch'Allah, hein? Lorsqu'il a été convoqué à Nice, certaines autorités, et qu'elle a utilisé ce mot-là. Et le policier qu'il avait en face de lui ne savait pas ce que ça voulait dire. Alors Cheikh Al-Albani, il a rapporté le hadith. Dandana, du verbe dandana yudan dino dandanatan. Ni ceux de Mouad, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, répondit alors, Mouad et moi ne faisons des invocations qu'autour de ces deux thèmes. C'est-à-dire quel thème? Vous situez un peu. Il dit, moi je ne sais pas dire comme vous dites. Moi ce que je demande, c'est cherche refuge auprès d'Allah, contre l'enfer, et je demande le paradis. Et qu'est-ce qu'il a dit? Hein? On murmure, on tourne autour de ça, c'est, autour de cette mas'ala-là, c'est que tout ce qu'on dit, ça revient à ces deux choses-là. À ces deux thèmes-là, c'est-à-dire quoi? Demander le paradis et chercher refuge contre l'enfer. D'accord? Vous allez voir pourquoi on a rapporté le hadith en détail, pourquoi je dis ces choses-là, parce qu'on va voir que ça va jouer sur la mas'ala. Retenez toujours le titre du chapitre qu'on est en train de voir maintenant. C'est quoi le titre du chapitre? Jawazul iqtisari ala qira'atil fatiha. C'est-à-dire quoi? Le fait de l'autorisation de se limiter à lire la fatiha. Mouad et moi ne faisons des invocations qu'autour de ces deux thèmes ou ce qui s'y apparente. Il dit ensuite, le jeune homme dit, mais Mouad saura quand le peuple adverse viendra. Pourquoi il a dit ça? On va savoir pourquoi après, Inch'Allah. Et ils furent informés que l'ennemi était venu. Il dit, ils vinrent et le jeune homme mourut en martyr. Pourquoi à votre avis il a dit ça? Il a dit, Mouad, il va savoir quand l'ennemi viendra. Allah yizikhir, barakallahu fik, zakallahu khan, c'est quoi? C'est qu'il a dit, il a certainement, exactement. Alors il a dit, on va voir à ce moment-là si j'ai l'hypocrisie quand l'ennemi viendra. Parce que, comme on va le voir plus tard dans le cours, si l'ennemi vient, que je suis un hypocrite, je vais tourner le dos, je vais partir. Et si je ne suis pas un hypocrite, je resterai dans le rang. Et c'est ce qui est arrivé. Et le Rasoul a attesté qu'il était tombé martyr. Par la suite, le prophète d'Allah demande à Mu'ad, regardez, khasmi wa khasmuk, le khasm, en arabe, qu'en est-il de celui avec qui nous avons une altercation, toi et moi, khasmi wa khasmuk. Il dit, au prophète d'Allah, il était sincère envers Allah, et moi non, il est mort en martyr. On a l'explication de notre besoin, on va tirer des fawaïd de ça, inshallah. Vous voyez que, subhanallah, un truc qui me vient en tête directement, c'est que ça prend du temps, ce genre de livre. Ça fait longtemps qu'on l'a commencé, plus d'un an, je pense, non? Facilement. Il y a des coupures, etc., d'accord. Mais vous voyez la baraka de prendre ce genre de livre. Ça, c'est des livres, que chaque musulman, et en particulier les salafis, ils devraient lire et étudier. Parce que c'est vrai, on peut lire le matn de Cheikh Al-Albani, rahmahullah. Et la majorité d'entre nous, je pense, nous tous, on l'a lu un jour ou l'autre, en arabe ou en français au moins. D'accord ? Mais maintenant, vous voyez comment Cheikh Bazoum, il explique, il sort des fawaïd, il explique, il rapporte le khilaf du ulama, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de fawaïd autour de ça. C'est un livre qui n'est pas très, très long, mais il y a beaucoup de chapitres. Inch'Allah, on prend petit à petit, Inch'Allah, et à la fin, on aura fini, Inch'Allah, on demande qu'Allah Azzul nous facilite ça. Mais c'est important, il y a ikhwa. Du tekbir au teslim, on a vu même avant, des choses avant le tekbir, etc. Et c'est vraiment important. C'est ce que le musulman a besoin tous les jours. Tous les jours. Alors maintenant, il y a des frères qui peuvent dire, mais moi, je l'ai déjà fait ce livre. Et ça, il faut faire attention à ça. Déjà, de un, si tu l'as fait, est-ce que tu l'as fait seul? Est-ce que tu as assez d'arabe pour le comprendre bien? D'accord? Est-ce que tu as des osoul pour bien comprendre le kalam? Déjà, de un. De deux, les mashayikh, souvent, ils font un livre plusieurs fois avec leur shaykh. Ils ont fait plusieurs fois. Quand vous regardez les talat, combien de fois ils ont fait osoul talat avec certains shuyukh et 10 fois avec différents shuyukh? D'accord? Et surtout, sifat salah. Pourquoi? Moi, personnellement, mon expérience avec ce livre-là, c'est chaque fois que je lis dedans, je trouve toujours des choses que je n'ai jamais vues la fois d'avant. Et pour les frères qui connaissent ça, ils ont le sourire quand je dis ça. Parce qu'ils connaissent ce livre. C'est un livre tellement riche, de Cheikh Al-Albani rahimahullah, tellement plein de détails, que chaque fois que tu le lis, il y a quelque chose qui attire ton attention. Et en sachant qu'il y a différentes manières de lire ce livre. Cheikh Ibn Baz rahimahullah, il a déjà appris dans ce livre. Istifada tu minhu. Mais Cheikh Ibn Baz, son istifada, ce n'est pas notre istifada à nous. La grille de lecture, si vous voulez, que Cheikh Ibn Baz il a, ce n'est pas notre grille de lecture à nous. D'accord ? Talib ilm, il va lire, il va tirer des richesses de ce livre autrement encore que nous. Et c'est pour ça la rahma d'avoir ce livre-là devant nous qui a été publié, parce qu'avant il n'était pas publié, c'était des cassettes, de Cheikh Bazmoul justement, parce que c'est un Cheikh Moutamakkin, Hafidahullah, qui est reconnu par les Mashaïr, etc., qui écrit beaucoup, beaucoup de livres, Masha'Allah, Zallahu Khairan. Et donc voilà, on a le travail de ce Cheikh-là, Akum Salam. On a le travail de ce Cheikh-là pour expliquer cet immense travail de Cheikh Al-Albani, Rahimahullah. Et quand vous regardez, subhanallah, quand vous pensez à Salah, un livre détaillé dans la Salah auquel vous pensez directement, tout le monde pense, même les Tullab Ilm, les livres de Cheikh Al-Albani, Inch'Allah, c'est une preuve de sincérité. Vous rappelez quoi ce qu'on a dit, Mutadawal, c'est un livre qui est quoi, répandu chez les Tullab, très connu, que tous les Tullab connaissent et ont étudié, ont la maison, etc. D'accord? Donc faire attention que Shaitan ne vienne pas par d'autres portes. Aussi, pourquoi je dis ça? Parce que vous voyez bien que quand je prépare le dars à la maison, ben des hadiths, il faut venir au charh des hadiths, des fawa'id l'urawiyah, Ibn Adam Ethiopi l'a dit, Ibn Hajar l'a dit, An-Nawawi l'a dit, etc. Alors peut-être que toi, quand tu vas lire ce livre-là, tu vas lire peut-être de manière passive. C'est-à-dire quoi? Tu vas le lire, tu vas comprendre, Inch'Allah, mais il n'y a pas de détails, il n'y a pas d'interaction avec le livre, il n'y a pas de recherche à côté. D'accord? Et surtout aussi le fait d'être dans une classe, la rahma d'être dans une classe comme ici et dans la mosquée. Rahma wa sakina, etc. Comme vous commencez dans les hadiths. Et le fait d'apprendre le livre avec quelqu'un, et d'apprendre le livre avec des gens, et des questions-réponses, etc. Tout ça, ça donne une autre dimension au livre. D'accord? Parce que ce qu'on ne voudrait pas, c'est qu'il y ait des frères qui soient ici, à Birmingham, et qu'après autant d'années, ils se rendent compte que ce khair leur a été mahroum. D'accord? Qu'ils se rendent compte qu'après autant de temps, il y a des livres antiques. On a déjà fini plusieurs livres, les frères. Hein? On a déjà fini le livre de Cheikh Rabia complètement, alhamdoulilah. On a fini le Shurut Salah, et c'est des bases. Shurut Salah de Cheikh Al-Abbad. On a fini Usul Talata de Cheikh Aoubaid. On est passé la moitié d'Usul Sita de Cheikh Aoubaid. On a, je pense aussi maintenant, on a bien avancé dans le livre de Sifat Salah. Walillah, alhamd. On a fini des petits cours, hein, en guise de rappel, etc. Bientôt, Inch'Allah, je fais un livre de Cheikh Rabia dans tout ce qui concerne la réfutation, etc. Un naqd manhajun shara'i, pour avoir des bases là-dedans aussi, Inch'Allah. Je suis en train de le traduire. Voilà, on avance, alhamdoulilah. Hein, prend des fawaïd, etc. On dit des choses, on discute. Hein. D'accord. On close cette parenthèse, mais c'était un rappel. En tout cas, moi, franchement, personnellement, ça a été une expérience, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'était une bonne expérience pour moi, ce livre-là. D'accord. On a dit quoi, donc? On a l'explication de Cheikh Bazmoul. Et Cheikh Bazmoul, il va s'y retirer certains points. Comme d'habitude, il dit... أقول هذا الفصل الذي ذكره المصنف رحمه الله فيه مسائل مسائل pourquoi pas مسائل ممنوع من ها c'est ça la raison اكيد et c'est pour ça qu'il y a qu'une dama moi je parle de la dama une. Il n'a qu'une dama parce qu'il est ma'lum al-sarf. Sarf. Ah, mais on attendait Moumkin. Et c'est juste parce que c'est Wazn Mafa Ilou. Hein? Comme Massa Jidou. Fi Massa Jidi. C'est juste. Le Madinati. Yajouz. On te croit, hein, ça va? Naam. فيه مسائل. المسألة الأولى أنه يجوز لمن صلى الفرض أن يكون إماما لمن يصلون الفرض كما كان يفعل معاذ فقد كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فرضا ثم يرجع فيصلي بقومه صلاة العشاء هو ينويها. Qu'est-ce qu'on a dit? Naflan. Vous voyez, on a raison de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il a prié avec niyat nafila, prière surrogatoire, opposée à la prière, d'une des prières obligatoires, les cinq prières quotidiennes, d'accord? Quand on dit nafl, ça veut dire quoi? Surrogatoire. Hein, on a déjà vu ça. Tatawwu nafl. Wa hum yusalluna khalfahu fardan. Retenez ces mots-là, fardan wa nafla. وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فلم ينكره. Ah, maintenant on a une mes'ala, c'est que le prophète Azmi savait que Mouadi faisait ça. Est-ce qu'il l'a reproché? Non. Donc il y a un hukm qui sort de ça. Hein? فدل على ان الاختلاف عفوا ان اختلاف نيه الامام والماموم لا حرج فيها شرعا فلا يشترط اتحاد نيه الامام والماموم. Regardez le qawaid, comprend ya ikhwa. Hein? C'est quoi ici qu'il a dit chir le premier point? Je dis, ce chapitre que l'auteur a cité comprend les points suivants. Il est autorisé pour celui qui a déjà prié sa prière obligatoire d'être imam, c'est-à-dire de guider la prière, pour ceux qui prient l'obligatoire. Comme le faisait Mouaz lorsqu'il priait derrière le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la prière d'Al-Isha, qui est obligatoire. Puis retourner pour guider son peuple dans la prière d'Al-Isha, avec l'intention d'une prière surrogatoire. Est-ce qu'il peut prier deux fois le fard? Donc il priait, obligé, on sait, donc c'est avec une niyat nafila. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam savait cela et ne l'a pas réprouvé. Ceci indique qu'il n'y a pas de problème dans la législation que l'intention de l'imam et du ma'moum diverge. Car la conformité de l'intention du ma'moum à celui de l'imam, ou plutôt à celle de l'imam, pardon, n'est pas une condition. Voilà, ça c'est une règle. Ce n'est pas une condition que l'imam et le ma'moum, c'est-à-dire celui qui prie derrière l'imam, leur intention soit conforme. Tous les deux ignats de fard, tous les deux ignats de nafl. Qa'ida, fiqhiyya. Vous voyez, moi je vous fais nasiha que Cheikh Al-Abbad عبد الرزاق العبادي l'a donné dans شرح الادب المفرد. C'est un livre qu'il a fait en 9 ans. C'est un livre en or. L'adab Moufarad, c'est tout ce que c'est l'adab, c'est l'imam Bukhari, rahimahullah. Il a dit, il parlait d'un point particulier. Et il a dit, il a donné Nasiha au Tullab qui était devant lui à Médine, il a dit, prenez pour chaque mis'ala, par exemple, un cahier, un petit cahier, un petit notebook, d'accord ? Un petit calepin. Et vous classifiez par matière, et chaque fois qu'il y a un point qui touche à cette matière, vous venez dans ce calepin. Pourquoi j'ai dit ça maintenant ? Ben regardez, on a une qaïda fiqhiyya ici. À côté de moi, j'ai un petit cahier, qaïda fiqhiyya. Partout, dans tout ce que je lis, dans tout ce que j'entends, etc. Dès que j'entends une qaïda fiqhiyya, je la note. Avec une petite explication. Hein ? Et ça, c'est mon cahier. J'ai un petit cahier, par exemple, avec Tarajum, les biographies. Hein? Des ulama, on va dire l'a'lam généralement, sahaba, et les tabi'in, les imams de la communauté. J'ai un petit cahier. On parle de l'imam Ajuri, rahimahullah, Mohamed ibn Hussein al-Ajuri, né en quelle année ? 280, mort en quelle année ? 360, né, il a vécu 80 ans. Voilà, j'ai une petite idée de ce qu'il sait. Qu'est-ce qu'il a écrit ? Bon, notamment, très connu, Al-Sharia de l'Ajuri. Et vous notez ça comme ça. Ça, c'est très important d'avoir des choses comme ça. Maintenant, si vous avez un cahier, vous avez repris tout ce que vous avez vu au niveau de Sifat Salah, ça c'est vous. C'est moi ce que je dis toujours aux élèves, hein, quand j'enseigne l'arabe, j'ai dit, il y a une méthodologie pour tout le monde, et après une méthodologie individuelle. C'est-à-dire chacun, il se connaît. D'accord ? Il y a des gens, ils aiment bien des couleurs, des fluorescents, des choses comme ça, ils ont besoin de ça. Il y a des gens, ils écrivent n'importe comment, ils s'y retrouvent. Hein ? D'accord ? Maintenant, c'est à vous de vous connaître. Maintenant, si vous avez un cahier, vous reprenez tous ces choses-là, et que vous mettez chaque fois en dessous, vous mettez bien que c'est une qaïda fiqhiyya, ça c'est votre problème, c'est votre travail à vous. Okay, moi ce que je conseille, c'est bien de compiler ça, comme ça à la fin vous avez dans toutes les qaïda fiqhiyya, dans tous les autres livres, parce que vous classez par matière, c'est plus facile que par livre. D'accord ? Donc ici la qaïda fiqhiyya qu'on a dit, la yushtaratu, je l'ai dit en arabe pour les frères, la yushtaratu ittifaq niyat l'imam ma niyat l'ma'moum. Ittifaq, ittihad. Ici, c'est le terme qu'il a utilisé, c'est ittihad. Ittahada, hein? C'est quoi? Ittahada, yattahidu ittihadan. C'est quoi? Ittihad. Comment on appelle la communauté européenne? L'Union européenne en arabe. L'ittihad l'Europe. Hein? Union. Union, vous voyez le sens ici? Union, conformité, etc. D'accord? Ittihad, ittahada. Exactement. Al-wilayat al-muttahida. Al-wilayat al-muttahida. Les États-Unis, hein, d'Amérique. Al-wilayat al-muttahida. D'accord ? Ala kulli hal, deuxième point tiré de ce chapitre. Al-mas'alatu thaniya. Anna al-imam idha atala fi s-salati italatan za'idatan. وكان أحد المأمومين مشغولا أو لا يستطيع أن يصلي خلف الإمام هذه الصلاة الطويلة له أن يقطع الصلاة خلف الإمام ويصلي لنفسه كما صنع هذا الفتى فإن هذا الفتى قطع الصلاة خلف الإمام وصلى في ناحية المسجد وقد اختلف العلماء هل يبني على صلاته مع الإمام أو يستأنف يستأنف استئنافا بمعنى أنه لو صلى مع معاذ ركعة هل يبني على الركعة ثلاث ركعات أو يستأنف فيبدأ الصلاة من الأول أربع ركعات الذي يظهر من لفظ الحديث أنه لا يبني بل يستأنف فإذا كان صلى مع معاد ركعة فقد أبطلها ويبدأ في الشروع من جديد يصلي أربع ركعات والدليل في لفظ الحديث أنه قال انصرف فصلى في ناحية المسجد فقوله في ناحية المسجد يدل على أنه خرج من الصف ومشى بمفرده ويقتدي بطلان الصلاة فلا يستطيع أن يبني عليها. Ça c'est évidemment un point que si on lit le livre tout seul, on va pas tirer ce point là nous-mêmes. Hein. Si l'imam allonge la prière, d'accord, il a dit italatan za'idatan, c'est important ça. Yani trop, za'id, plus, trop. Et qu'un de ceux qui prie derrière lui est occupé et ne peut pas prier derrière lui. Hein? Il ne peut pas prier derrière cet imam cette longue prière. Il lui est alors autorisé d'arrêter de prier derrière l'imam et de prier seul. comme l'a fait ce jeune homme. Car il arrêta de prier derrière l'imam et pria dans un coin de la mosquée. Les savants, maintenant, ils ont divergé. La question qui doit directement venir dans votre tête, est-ce qu'il a continué sur ce qu'il avait déjà prié avec l'imam, ce qu'on appelle bina en arabe? Am ista'nafa, bana am ista'nafa. Est-ce qu'il s'est basé littéralement, construit sur ce qu'il avait déjà prié avec l'imam? Am ista'nafa, c'est-à-dire qu'il a recommencé du début, de zéro. Les savants ont divergé. Doit-il construire, se baser sur ce qu'il a déjà prié avec l'imam ou doit-il recommencer? Cela veut dire, s'il a prié avec Mouad une raka'a, se base-t-il sur cette raka'a et finit donc les trois restantes? Pourquoi on a les trois restantes quand on parle de salat Al-Aïcha, il y en a qui suivent, alhamdoulilah. Ou recommencer la prière au début, du début en priant quatre raka'at? Parce qu'on parle d'elle. Aïcha. Ce qui t'apparaît de la formulation du hadith, c'est de ne pas se baser sur ce qui a déjà été prié et de recommencer du début. S'il a donc pris une raka'a avec Mouad, radiallahu anhu arda, c'est qu'il n'en tienne pas compte et recommence à nouveau les quatre raka'at. Et la preuve de cela est tirée de la formulation du hadith. Pourquoi on a dit insarafa? C'est quoi en arabe insarafa? Insarafa, yansarifu, insirafan. Partir, quitter, ici quitter, d'accord? Ici c'est plus quitter, je pense. Hein, quitter, s'en aller. Littéralement, il est sorti de la prière, il s'en est allé, et donc il a quitté la prière, d'accord? Il quitta la prière et pria dans un coin de la mosquée. Sa parole dans un coin de la mosquée indique qu'il est sorti et est parti seul. Ceci implique la nullité de la prière. Et il ne peut donc pas se baser sur ce qui a déjà été prié. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Vous croyez, maintenant si on a dit s'il a prié une raka'a par exemple Mouad radiallahu anhu, ben, il n'a pas tenu compte de cette raka'a-là. Il a été dans le coin de la mosquée, il a recommencé l'Isha 4 raka'at, mais pas long comme il l'a fait Mouad, d'accord? Et puis il est parti. Donc de ce hadith-là, on tire l'autorisation de faire ça. Attention, on a dit quoi? Hein? Qu'on ne voit pas des coins remplis ici dans la mosquée. Hein? C'est italatan za'idatan. D'accord? C'est-à-dire qu'Ani, il allonge trop au tel point qu'il ne peut pas prier derrière lui. D'accord? Troisième point tiré de ce chapitre. أن الإمام إذا صلى في الناس ينبغي له أن لا يطيل والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ رضي الله عنه إطالته بالناس. Comment vois-tu qu'il a fait inkar? Il a fait inkar, il a reproché. Il y a un lafz dans le hadith qui est clair que c'est un reproche. أفتان أنت يا معاذ حتى أحوج هذا الفتى أن ينصرف عن الصلاة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ أفتان أنت يا معاذ. وفي هذا دليل على أن إطالة الإمام بالناس الصلاة قد تكون سببا للفتنة ولإيذاء الناس. verb إيذاء, c'est quoi le verbe d'إيذاء? آذى, يؤذي, إيذاء. لحدوث أمور لا يرضاها الشرع ويكون السبب فيها هذا الإمام بتطويله. فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ كاد يقال لكل إمام يطيل الصلاة أفتان أنت. Donc troisième point qu'on tire de ce chapitre, l'imam, lorsque l'imam guide la prière, il lui convient, lorsqu'il convient qu'il ne l'allonge pas. Et la preuve de cela, c'est que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a reproché à Mouad, il a fait ce qu'on appelle un inkar, son allongement de la prière avec les gens, à tel point que ce jeune homme a dû quitter la prière. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors à Mouad, es-tu un fatan ya Mouad? Il y a en cela la preuve que le fait que l'imam allonge trop la prière peut être une cause de trouble, fitna ou fitan, pluriel. Ça vient de quel verbe? Fatana? Yaftino? Fitnatan? C'est quoi la différence entre fatana ou ftatana? Iftatana. Iftatana. Ou iftutina. Exactement, c'est ça. C'est ça, c'est cette notion-là. Vous voyez comme l'Awzan, il vous aide à quoi? Hein? Au sens. D'accord? Qa'ida dans l'Awzan, Aziyadatu fil mabna, Aziyadatun fi fil ma'na. Qui se me donne un exemple? Fais un peu d'arabe aujourd'hui. Hein? T'as dit les deux les mêmes là, qatala et qatala. In qatala, ça veut dire quoi in qatala? Hein? Bon, moi, c'est la première fois que j'entends ce verbe, là, tu vas m'apprendre quelque chose aujourd'hui. J'ai dit, franchement, j'ai dit la mabarak, je me fais de l'arabe, là c'est moi qui vais apprendre un truc, tu vois. In qatala, j'ai jamais entendu. Iqtatala, qatala, qatala, qatala. Qutila, qutila. Bah vas-y, bah t'as donné l'exemple, continue. En plus, c'est un bon exemple, c'est celui que j'avais en tête. Le verbe qatala, c'est à la wazn. Fa'ala, yaf'ulu, qatala, yaqtulu, qatlan. D'accord? Maintenant, si je dis qatala, est-ce que j'ai ajouté dans le sarf ou pas? Dans le mabna? J'ai ajouté un, quelle lettre? Un a ou un fa ou un lam? J'ai dit un fa, un a ou un lam? Un a. Pourquoi? Parce que. Ah, je vois des grands yeux là. Ben, on fait un peu de sarf aujourd'hui, d'accord? Qatala, c'est le wazn de fa'ala, on est d'accord? Fa'ala, c'est pas de a? Hein? Waziyadatun fil mabna, ziyadatun fil ma'na. Donc qatala, c'est pas tuer comme qatala, c'est massacrer, assassiner. Qui s'est donné un dalil du Coran? Deux versets, il y a une ziyada fil mabna. Je vous aide, surat al-Kahf. Fama sta'u wa ma sta'ta'u. Il ta'ib al-Qur'ani. D'accord, donc vous voyez bien que quoi que, en résumé, je sais vraiment en passant, c'est que quoi, c'est que un ziyada fil mabna, ziyadatun fi al-ma'na. Donc fitna ici, on a dit quoi? Je vous avais expliqué déjà qu'est-ce que ça voulait dire fitna dans la langue arabe. Comme Cheikh Nkati l'a dit dans son tafsir Adwa al-Bayan, c'est de mettre de l'or dans le feu pour que le pur se dissocie de l'impur. C'est de là que vient le mot fitna. D'accord? Et porter préjudice aux gens. Et des choses que la législation n'agrée pas peuvent arriver. Et la cause de cela est alors l'allongement de l'imam. Donc si le messager d'Allah me dit « Es-tu un fattan au mu'ad ?» On dit la même chose à toute personne qui allonge la prière. « Es-tu un fattan ?» D'accord? J'ai dit, pourquoi tu me dis ça, akhi? Je dis un hadith. Si le prophète l'a dit à Mouad, pourquoi je ne le dirais pas à toi? D'accord? Il faut être sûr que c'est trop ce qu'il fait, d'accord? Al-mas'alatu al-rabi'a, anahu yajuzu lil-musalli an yaqtasira fil qira'ati ala qira'ati al-fatihati faqat. Wa hadihi, hiya tarjamatu al-bab. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل الفتى قال وأنت كيف تفعل في الصلاة قال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار فهو يقرأ الفاتحة فقط لا يقرأ سورة بعدها ففيه دليل على أن لم يحفظ سوى الفاتحة. C'est juste pourquoi j'ai dit سوى الفاتحة, j'ai pas dit c'est un مفعول به, non الفاتحة لم يحفظ quoi الفاتحة سوى الفاتحة. Mais alors quoi, Yassiwa, ça veut dire quoi, Siwa? Hein? Donc, le Fatiha ici, il est quoi, le Mufal Bihi ou Moudaf Ilay? Aucun des deux. Ouais. Non, on ne connaît pas Moumoukina, Khoya. Tu vas dire, alors tu le fais où? Moi je dis que vous avez tous les deux raisons. Moi je dis que vous avez tous les deux raisons. Oui ou non? C'est juste ou pas? Siwa al-Fatiha. Siwa il a raison, c'est parmi Adawat Atisna. On est d'accord, il n'y a pas de problème. Walakin, qu'est-ce qui toujours doit être après? Siwa, l'ism, comment il doit être toujours après? Non, non, Siwa, on parle de Siwa ici. Abadan, c'est ça que tu veux dire? أو دائما؟ يعني سوى سوى d'accord سوى qui vient après ça peut être مرفوع par exemple ouais هل تكون مرفوعا مرفوعة صحيح سوى الفاتحة تو tu vas m'amener ça d'un chir ou d'un alim dans le Laura Je parle de siwa, je parle pas de illa. Je parle pas de illa, mon frère. Siwa Muhammadun. Tu dis ça à un test à Libana, je crois pas que ça va passer, hein. Si tu dis illa, je suis d'accord avec toi. Parce qu'il y a encore, il y a wajhan ja'izan, comme on dit. Tu peux faire nasb ou le rafa. Non, illa. Mais encore, quand l'istisna, il n'est pas le muqati'a. Il y a un khilaf entre Quraysh et d'autres qaba'il arabiya. À la kulli hal, hein, on rentre un peu dans le... Vérifie, hein. Je pense que tu mélanges entre illa ou siwa. Hein? Donc siwa al-fatiha, ti. سوى الفاتحة يجزيه أن يقرأها في كل ركعة ولا يؤمر بأن يقرأ معها غيرها ووجه الدلالة أن الظاهر أن الرجل لا يحسن غير الفاتحة غير الفاتحة كما يدل عليه قوله ولا أحسن دندنتك ولا دندنة معاد والدندنة definition دندنة c'est quoi دندنة allez là regardez quelques mots الصوت الذي لا يفهم الصوت الذي لا يفهم La parole, le son qu'on ne comprend pas. C'est pour ça qu'on a traduit par un murmure. فهو لا يحسن غير الفاتحة ولم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يحفظ معها غيرها بل أقره فلما أقر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الفتى على ما ذكره من كونه يقتصر على الفاتحة في كل صلاة في كل ركعة دل ذلك على جواز الاقتصار على الفاتحة في الصلاة ووجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الفتى بأن يحفظ غير الفاتحة ليقرأها عفوا ليقرأه معها فكيف جدي لم يأمري أجب أدي لم يأمر أوكي شو داكور اك توا فعل مجزوم أنا داكور et deux secondes ils se retrouvent jamais dans la langue arabe l'un après l'autre أحسن أوكي traduis ça vite inshallah il est autorisé dans la prière de se limiter à réciter la fatiha et la preuve de cela est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a poser au jeune homme la question « Que fais-tu dans ta prière ?» Il répondit « Je lis la Fatiha, puis je demande à Allah le paradis et je cherche refuge auprès de lui contre l'enfer. » Il ne lisait donc que la Fatiha. Il ne récitait pas une autre sourate. Il y a en cela la preuve que toute personne qui ne mémorise que la Fatiha, il lui est autorisé de la lire dans chaque rak'a. Et on ne l'oblige pas à lire une autre sourate avec. Ah, comment est-ce qu'on est arrivé à ça ? C'est simple. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné d'étudier autre que le Fatiha ? Ce qui est apparent, c'est qu'il ne connaissait que la Fatiha comme cela indiqué par sa parole. Je ne sais pas murmurer comme toi et Mu'ad le fait. Regardez les ulama quand ils prennent l'ahkam. Hein? Il a dit, je lis la Fatiha, je demande le paradis, je me réfugie contre l'enfer. Et je ne sais pas murmurer comme toi et Mu'ad vous faites. Ce qui indique qu'il ne connaissait que la Fatiha. Suivez ou pas ? Ad-dandana, on a dit, d'accord ? En arabe, c'est quoi ? As-sawtu alladhi la yufhamu. C'est le son qui n'est pas compris. Il ne connaissait donc que la Fatiha, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas commandé de mémoriser quelque chose d'autre. Mais de plus, il a accepté cela de lui. Non, c'est quelqu'un qui dit, non, mais il lui a ordonné de notre dalil, il n'y a pas de problème. Nous, ce qu'on voit ici, c'est qu'il ne lui a pas ordonné. Donc, on prend le hukm que quoi ? Que Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas ordonné de mémoriser autre que la Fatiha et qu'il pouvait se limiter à la Fatiha. Donc lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a accepté cela de lui, qui ne récitait que la Fatiha dans chaque raka'a, cela indique l'autorisation, rahmukallah, de se limiter à al-Fatiha dans la prière. Comment a-t-on compris cela ? Wajhud dalalati, si vous voulez. Le messager d'Allah n'a pas ordonné au jeune homme de mémoriser autre chose qu'al-Fatiha afin qu'il la récite avec la Fatiha. Suivez là, d'accord ? Cinquième point. Ce sera le dernier pour aujourd'hui, Inch'Allah. On va faire le darj trop long. C'est pour ça que je savais aussi un peu qu'aujourd'hui le darj n'était pas très très long. On pouvait rentrer dans un autre chapitre, mais c'est mieux de se limiter à un chapitre. C'est pour ça qu'on rapporte un peu de fawaid dans la langue arabe et d'autres choses, Inch'Allah. المسألة الخامسة في هذا الحديث بيان بيان فضل هذا الفتى وصدق إيمانه. Ici les deux sont autorisés, صدق وصدق. Pourquoi? Parce que ça peut être معطوف على فضل et ça peut être معطوف على ou bien بيان. وصدق إيمانه وأنه لم يكن منافقا بل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه الله في شهادة كما يصفه فإنه يقال سيعلم معاذ إذا قدم القوم وجاء ناس يقاتلون فإن كنت منافقا فلن أتقدم للقتال وإن كنت غير منافق فسأتقدم للقتال ولا أخافهم وكذا حصل فقد حدثت حرب أو غزوة أو سرية فقاتل هذا الفتى حتى استشهد في سبيل الله وبلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لمعاذ ما فعل خصمي وخصمك قال يا رسول الله صدق الله وكذبت استشهد أي مات وقتل في سبيل الله ويلاحظ أن معاذا وصفه بالشهادة وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم فإما أن يكون هذا بحسب اعتقاد معاذ وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون علم ذلك من رسول الله sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on prend de ce cinquième point de ce chapitre? Il y a dans ce hadith la mise en évidence de la préséance de ce jeune homme et de la véracité de sa foi, et qu'il ne faisait pas partie des hypocrites, mais Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont montré sa véracité par son martyre, car il a dit: Mu'ad saura lorsque l'ennemi arrivera, des gens vinrent pour combattre. Si je suis un hypocrite, hein, c'est-à-dire si des gens viennent pour combattre, si je suis un hypocrite, je ne m'avancerai pas pour combattre. Et je ne suis pas, si je ne suis pas un hypocrite, je m'avancerai pour combattre. Et je n'aurai pas peur d'eux. Et c'est ce qui est arrivé, car une bataille ou une expédition eut lieu, et ce jeune homme combattit, jusqu'à ce qu'il tombe martyr dans la voie d'Allah. Vous n'êtes pas posé la question là. C'est quoi la différence entre Ghazwa et Sariya? C'est quoi? C'est pas dans la traduction que vous allez trouver là. Excellent, mashallah. Ahsant. C'est laquelle des deux? As-Sariya. As-Sariya, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas présent. Il envoie un amir. Ou Al-Ghazwa, c'est quand lui, sallallahu alayhi wa sallam, est présent. Si je me souviens bien, après on peut toujours vérifier, mais... Et le fait que le frère dise la même chose, ça conforte ce que je dis, Inch'Allah. Qui est arrivé car une bataille ou une expédition eut lieu. Et ce jeune homme combattit jusqu'à ce qu'il tombe martyr dans la voie d'Allah. Cela fut transmis au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit alors à Mu'ad, qu'est-il arrivé à celui qui eut une altercation avec nous? Il dit, ô messager d'Allah, il a été véridique envers Allah et moi non. Il est tombé martyr, c'est-à-dire il a été tué dans la voie d'Allah. On remarque que Mu'adh l'a décrit comme un martyr. Hein? Alors qu'il y a un hadith qui dit, d'ailleurs c'est un chapitre dans Sahih al-Bukhari, « La yuqalu li fulanin shahidun ». On ne dit pas sur un tel, spécifiquement un tel, qu'il est martyr. Sauf si on a une preuve, hein, qui est tirée de la révélation du Coran, de la Sunna. Comment est-ce qu'on peut savoir s'il est martyr? Parce qu'il y a des conditions pour que quelqu'un soit martyr et il y a des choses qui peuvent l'empêcher d'être martyr. Hein? Peut-être qu'il n'est pas sincère. Peut-être que ce qu'il a fait, ce n'est pas le jihad. D'accord? Là, yuqalu li fulanin shahid. C'est pour ça qu'une fois, j'étais dans une maktaba, j'ai vu un livre de Hassan al-Banna, la tête des Ikhwan Muslimin, rahimahullah. Hein? J'ai dit, akhi, le titre il était marqué un shahid. J'ai dit, akhi, regarde le titre que tu vends. Et dans le chapitre de Sahih al-Bukhari, il est clairement stipulé « La yuqalu li fulalin shahid ». Il n'a rien dit, le livre il est resté là. Ça c'est l'Ikhwan Muslimin. Oui. Le rouleau, dans leur ashras. Comment tu sais que c'est un martyr ou pas? Comment tu sais? Là maintenant, regardez ce qu'on a dit ici. Hein, en fait, pour eux, toute personne qui est tuée par un gouvernant, c'est un martyr, systématiquement. Hein? Même quelqu'un qui fait un attentat, qui se suicide lui-même, c'est un martyr. Hein? Alors que les ulama ne le considèrent pas comme martyr, ils le considèrent comme un suicidé, en plus quelqu'un qui a fait l'ifsad fil ard. On remarque que le Mouad l'a décrit comme un martyr et le prophète a approuvé. Soit l'opinion de Mouad, c'est l'opinion de Mouad approuvée par le messager d'Allah, d'accord ? Ou il a dit cela car il avait reçu une science à ce sujet du messager d'Allah. D'accord ? C'est comme s'il a dit il est martyr et le prophète l'a approuvé. D'accord ? Ce qu'il n'a rien dit le prophète. Et ou alors c'est qu'il avait reçu une science du messager d'Allah parce que le prophète a reçu la révélation et qu'il a su que c'était un martyr. D'accord ? On a fini pour aujourd'hui. Wallahu a'lam wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.